détruisent ou quoi. Faisons taire les mélancoliques avec notre propre rythmique et notre joie. Així sona la música i la companyia d'una extraordinària artista com és France Gall. La plorada France Gall obre les portes amb una nova edició d'aquest al vostre espai. Estem a Olala Music, la música en francès, el programa de les cançons en francès aquí a la vostra emissora. Salutacions ben cordials a càrrec de Rafael Corbí. Aquesta és la nostra edició número 30. En els darrers programes, uns quants programes, alguns dels nostres col·laboradors o Mercès a altres coses que hem investigat, que hem buscat, ens ha permès descobrir, trobar àlbums i cercar-los que no teníem a la nostra discografia. Avui, amb aquest programa de Olala Music, el que anem a fer és precisament recordar, escoltar algun d'aquests àlbums que se'ns ha fet a mans. Com, per exemple, un àlbum de grans èxits del cantant Lenny Escudero, que el van descobrir a causa d'una de les col·laboracions del nostre company Àngel Rodríguez, que per cert arribarà d'aquí unes quantes peces. Balada per la Sílvia és una de les cançons inclosa dins d'aquest àlbum de grans èxits de Lenny Escudero. Sylvie, j'ai perdu mon âme en perdant ma mie. À quelle me revienne, j'oublierai le temps de mes peines et tous mes tourments. Moi, je te pardonne, et si tu voulais un jour de l'automne. Tu me reviendrais. J'ai perdu mon âme quand j'ai perdu son amour. Et moi, pauvre diable, je l'aime toujours. J'ai perdu mon âme en perdant Sylvie. J'ai perdu mon âme en perdant ma mie. Par un soir d'automne, elle est arrivée. Elle m'a dit pardonne et j'ai pardonné. Mais malgré moi-même, tout au fond de moi était née la haine qui dictait sa loi. Et devant ma porte, son regard caressant le mien, là mon âme est morte dans le creux de ma main. Lenny Escudero entre nosaltres participant en aquesta edició d'avui de Olala Music amb les seves peces, la seva companyia, que és senzillament realment magnífica, amb aquestes balades que ens portava aquest gran artista, recordem, artista francès, tot i que nascut com a Joaquim Lenny Escudero a Aurisberri, a Navarra, el 5 de novembre del 1932, fill d'exiliats de la Guerra Civil. Una altra de les seves cançons d'aquest àlbum, Ses Plus Grands Succès, els grans èxits de Lenny Escudero del 1996. Il n'en restera rien, des amours de vacances. Il n'en restera rien, des serments échangés. Pour que ton bel amour, ton amour commence, il te faudra attendre que revienne l'été. le soleil et la mer faisaient briller ses yeux. Le soleil et la mer dansaient dans ses cheveux. Quand il a pris ta main, s'est arrêté le temps. Quand il a pris ta main, t'a donné tes 16 ans. Il n'en restera rien, des amours de vacances. Il n'en restera rien, des serments échangés. Mais pour que tombe l'amour, ton amour recommence. Il te faudra attendre que revienne l'été. Mais toi tu ne crois pas que tout puisse finir. Lotite contre toi, tu tiens ton avenir. Il est fort comme le vent et doux comme l'été. Pour retenir le vent, il faut plus qu'un été. Mais un jour il revient, lorsque l'été s'avance. Mais un jour il revient, tout va recommencer. Adieu tous les regrets des anciennes vacances. Car pour toi recommencent les amours de l'été. Any després, recordant Eleni Escudero, Olala Music. Qu'il était triste, ce triste quai de gare où j'avais rendez-vous avec notre passé. J'avais peur, mon amour, dans l'affreux tintamarre, peur d'avoir oublié ton nom 20 ans après. Nous avions rendez-vous avec notre mémoire, espérant que le temps nous aurait épargné le temps qui me criait « C'est une vieille histoire, laisse tes souvenirs, tu vas les réveiller. » Le train s'est arrêté à refermer ses livres. J'ai cherché ton visage parmi ces inconnus. Puis tout s'est arrêté, tout a cessé de vivre, suspendu au moment où je t'ai reconnu. Mon cœur, qu'il était triste, ce triste quai de gare où j'avais rendez-vous avec notre passé, l'écho du souvenir a des accents bizarres. Mais rien ne peut y faire, 20 ans a dépassé. Je sais, ça n'est pas vrai. Même la gare, je l'ai rêvé. Lorsque 20 ans auront passé, alors vois, mon amour, ce qu'il nous reste à vivre, Regarde-moi près de toi. Aimons-nous chaque jour que jamais, mon amour. Je ne t'entends dire, j'ai trop de souvenirs et plus assez d'amour. Així escoltàvem, recordàvem amb aquest àlbum del 96, grans èxits de Lenny Escudero amb el nostre programa. Seguirem amb un altre artista i un altre personatge també descobert a través de les col·laboracions. François Valéry, el nom real del qual era Jean-Louis Mougeot, nascut el 4 d'agost del 1954 a Oran. Aleshores, l'Algèria francesa va esdevenir prou famós per les seves cançons prou romàntiques, però també per els seus èxits en el món de la música disco als anys 70, al mateix temps d'haver compost i interpretat diverses bandes sonores als anys 80, després de l'èxit de Dreaming Blue de Sophie Marceau. Valéry va ser també compositor i productor de grans cançons per diversos artistes, com Lynn Renault, Dalida, Jean Manson o molts altres en el món de la música. A més, d'haver produït el musical L'ombra d'un gegant, cantat per Ros Lorenz i Sophie Delmas, i a més també de l'himne oficial de la selecció de rugby francès. Avui el recordarem amb el nostre espai amb un disc de 2014, un disc que ens porta cançons com aquesta que escoltem ara mateix. També un gran èxit a les pistes de ball. Ce soir tu la trouves moins jolie, ta vie sur l'écran d'un verre de whisky, et ça te fait ni chaud ni froid. Que tes amis soient là pour toi, rien ne va plus, tu ne t'aimes plus. Comme si tes rides au coin des yeux sonnaient le glas des jours heureux. Où sont les nuits qui te faisaient la bise, quand le disco te penchait comme la tour de Pise, et le soleil qui dansait autour des Bee Gees. Tous les I Love You que l'on a chanté, tous les Billie Jean que l'on a glissé, tous les Bob Marley que l'on a reggae, tous les non non non non non qu'elle nous disait, les I Will See You Back que l'on a crié, les Earth, Wind and Fire qui déchiraient la night, tous les Stevie Wonder qu'on a aimé, tous les non non non non non qu'elle nous disait. Sur des pavés, que sont nos nuits devenues? Est-ce qu'ils sont nuls? Est-ce qu'ils sont nus? No love and Sunday night fever, et toutes les passions qu'on pouvait rallumer, toutes les chansons en tube qu'on a semées, toutes les raisons qu'on avait de s'aimer. Tous les I Love You que l'on chanter, tous les Billie Jean que l'on a glissé, tous les Bob Marley que l'on a reggae, tous les non non non non non qu'elle nous disait, les Marvin Gaye qui nous faisaient vibrer, et les Donna Summer qui allumaient la night, tous les Barry White qui nous envolaient, tous les non non non non non qu'elle nous disait. Aux aurores qui n'éclairent que des tours de piste, et quel que soit le col de la chemise, tous les I Love You que l'on a chanté, tous les Billie Jean que l'on a glissé, tous les Bob Marley. 7 anys que no portava cap àlbum nou fins que va editar aquest el 2014. Je suis venu te dire era el seu primer disc des del 1997. El seu primer el va editar l'any 1977, recollint música d'entre els 74, aquells primers senzills que va editar el nostre segon protagonista del programa d'avui. Estem escoltant Hola la Music, la música en francès, en François Valéry. Allez, pleure dans mes bras. Un ami, c'est d'abord fait pour ça. Ça se voit dans tes yeux que ta vie ne tourne plus à l'endroit. Si elle ne peut pas m'empêcher de venir embrasser ta peine, tu ne m'empêcheras pas de penser que t'as déconné quand même. Elles ne font jamais le tour de l'amour sans celui de la haine. Elle reviendra, peut-être pas. Elles sont dans tous les bateaux qui partent et qui reviennent, et dans toutes les chansons d'amour qui se souviennent. Elles ont comme un cœur de train de nuit qui nous emmène et nous laisse sur le quai les regrets qui s'apprennent. Elles sont dans tous les bateaux qui partent et qui reviennent, dans tous les avions de pluie sur le ciel aquarelle de ce monde condamné à tourner autour d'elle, et du soleil merveilleux mouillant au milieu d'elle. Elles sont dans tous les bateaux qui partent et qui reviennent, et dans toutes les chansons d'amour qui se souviennent. Elles ont comme un cœur de train de nuit qui nous emmène et nous laisse sur le quai les regrets qui s'apprennent. Elles sont dans tous les bateaux qui partent et qui reviennent, dans tous les avions de pluie sur le ciel aquarelle de ce monde condamné à tourner autour d'elle, et du soleil merveilleux mouillant au milieu d'elle. Le centre du monde, c'est elle. Et nos DJ font danser le monde. Oui, même ça, je l'avais oublié. Et le son que leurs âmes nous pondent, jusqu'aux voix des volcans qui répondent. Chaleur des fleurs de l'amour, soleil sauvage qui danse la nuit sans jamais rien promettre au jour, ni à aucun homme. J'avais oublié qu'un sourire faisait des chansons, comme la pluie sur nos visages, sans peine aux larmes avec le vent, et que c'était bon. Et le DJ font danser le monde. Oui, comme ça je l'avais oublié. Et le son que leurs âmes nous pondent jusqu'au bras des volcans. J'avais oublié même que la chance avait du cœur, et que le cœur avait aussi la chance d'avoir un frère et une sœur qu'on appelle musique. Et le DJ, c'est un dieu sur le toit du monde. Bras levés qui joue sur un arc-en-ciel, déchirant les envies qui s'étiolent dans un torrent de cœur et de corps qui s'envole. Et nos DJ font danser le monde. Oui, comme ça je l'avais oublié. Et le son que leurs âmes nous pondent jusqu'au bras des volcans. J'avais raison, entre mes larmes et mes sourires, qui s'aiment en faisant des chansons pour rester vivant. Oui, le DJ, c'est un dieu sur le toit du monde. Bras levés qui joue sur un arc-en-ciel, dans le cri des platines qui se fendent, pour un ciel en or ouvert à nos pauvres secondes. Et le DJ font danser le monde. Oui, comme ça je l'avais oublié. Et le son que leurs âmes nous pondent jusqu'au bras des volcans qui répondent. Escoltat a François Balaguer amb les seves cançons i els seus ritmes que ens arribaven des d'aquest 2014 a Olala Music. Avui un programa més marxós, ja ho veieu, almenys amb aquest intèrpret, és Olala Music. D'aquí uns moments serà el torn de l'Àngel Rodríguez. Esteu escoltant Olala Music. Doncs sí, Olala Music, i és el moment de donar la benvinguda a l'Àngel Rodríguez, que ens porta la seva col·laboració per al programa d'avui. Benvingut, Àngel. Gràcies, merci, Rafael. Avui us convido a escoltar a Christophe Willem, de nom real Christophe Durier, que va guanyar la quarta edició del Boulevard Star, que és una mena d'Operación Triunfo, ja n'hem parlat alguna vegada aquí en el teu programa, i segur que en seguirem parlant. És una mena d'Operación Triunfo, tal com us deia, de la televisió francesa, Boulevard Star. Bé, doncs va guanyar la quarta edició d'aquest programa l'any 2006. Recordem que Christophe Willem va néixer el 1983 i l'estiu del 2017 va triomfar a tota França amb aquesta peça titulada Marlon Brando. El vídeo és molt, molt surrealista. Us recomano aquesta cançó perquè va ser molt exitosa. Es diu Marlon Brando, amb vosaltres, Christophe Willem. Et je... terre, l'air de rien, en un refrain, laissez-moi vous plaire. Je vais vous vendre des femmes. La música i la companyia de l'Àngel Rodríguez, una vegada més amb el nostre espai i amb aquesta cançó que ens portava aquest Marlon Brando, que pertanyia amb aquest disc que escoltàvem, Rio, 2017, Christophe Willem ens conduïa les seves cançons. Seguim endavant, però ara recularem amb el temps perquè anirem a escoltar tres de les millors cançons en francès de l'any 1962, començant amb Richard Anthony, aquesta cançó anomenada El Gentens Sifle le Train. C'est triste un train qui siffle dans le soir. Je pouvais t'imaginer toute seule, abandonnée sur le quai dans la cohue des au revoir. Et j'entends siffler le J'entends siffler le train, que c'est triste un train qui siffle dans le soir. J'ai failli courir vers toi, j'ai failli crier vers toi, c'est à peine. C'est loin où tu t'en vas, que c'est loin où tu t'en vas. Auras-tu jamais le temps de revenir? Qu'il valait mieux nous quitter sans un adieu, mais je sens que maintenant tout est fini. Et j'entends siffler le train, et j'entends siffler le train, j'entendrai siffler ce train toute ma vie. J'entendrai siffler ce train toute ma vie. Una cançó, una adaptació d'aquelles 500 milles, una cançó tipus folk americà de Handy West, que va interpretar l'any 1962 de Richard Anthony. en va fer un gran èxit amb Hughes Offre. Aquesta era la bona música i els bons ritmes que escoltem a través de Olala Music i que ara mateix ens portarà també a escoltar la música des d'aquest mateix 1962 de Lucky Blondo, Jolie Petitchela. Jolie petite Sheila, jolie petite Sheila, c'est toi qui as pris mon cœur. Je disais que l'amour ne durait jamais lorsque je t'ai rencontré. Jolie petite Sheila, jolie petite Sheila, dans tes yeux d'enfant moqueur, j'ai trouvé ce qu'au fond de moi j'attendais sans vouloir vous l'avouer. Avant toi je ne vivais pas, j'étais triste à mourir. Maintenant que tu es près de moi, oh, oh, oh, oh, je sais enfin sourire. Jolie petite Sheila, jolie petite Sheila, c'est toi qui as pris mon cœur. Je disais que l'amour ne durait jamais lorsque je t'ai rencontré. Jolie petite Sheila, dans tes yeux d'enfant moqueur, j'ai trouvé ce qu'au fond de moi j'attendais sans vouloir me l'avouer. Dans les rues quand on voit Sheila, oh, oh, oh, oh, tous mes amis m'envient. Je crois qu'ils ont compris qu'avec toi, oh, oh, oh, oh, je vais faire ma vie. Jolie petite Sheila, jolie petite Sheila, c'est toi qui as pris mon cœur. Jolie petite Sheila qui m'a apporté l'amour, je te garderai toujours. Je te garderai toujours. Je te garderai toujours. Acabem aquest petit repàs a 1962 amb un parell de cançons més. La gran M amb Billy Bridge serà la primera, així l'escoltarem, i després amb la un personatge destacadíssim com Johnny Hallyday. M-A-D-I-S-O-N, le grand M. Mm, le grand M. Mm, le grand M. Le grand M. Ouais, M-A-D-I-S-O-N, c'est le Madison. Écoutez, écoutez-moi bien. Vous êtes debout, les deux pieds joints. Vous allez faire un grand M, M de Madison, en partant sur la gauche, puis en arrière. Prêt ? Oui ! Pour le Madison ? Oui ! Attention, on y va ! Faites M. Faites M, A. Mmh, faites M, A, D. Oui ! Faites M, A, D, I. Mmh, M, A, D, I. S-O-N, c'est le Madison. Faites M. Faites M, A. Faites M, A, D. M-A-D-I-S-O-N, c'est le Madison. Encore une fois, faites M. Faites M-A, c'est ça. Faites M-A-D, oui. Faites M-A-D-I. M-A-D-I-S-O-N, c'est le Madison. Oh, oh, oh. Le grand M, c'est le Madison. Le grand M, c'est le Madison. Ouais, M-A-D-I-S-O-N, c'est le Madison. fête M. C'est ça, fête M A. Oui, fête M A D. Fête M A D I. M A D I S O N, c'est le Madison. Encore une fois, fête M. Oui, fête M A. Fête M A D. Fête M A D I. M-A-D-I-S-O-N, c'est le Madison. Les gens m'appellent l'idole des jeunes. Il en est même qui m'envient, mais ils ne savent pas dans la vie que parfois je m'ennuie. Je cherche celle qui serait mienne, mais comment faire pour la trouver? Le temps s'en va, le temps m'entraîne, je ne fais que passer. Dans la nuit, je file tout seul de ville en ville. Je ne suis qu'une pierre qui roule toujours. J'ai bien la fortune et plus, et mon nom partout dans les rues. Pourtant, je cherche tout simplement l'amour. Une fille souvent me guette quand s'éteignent les projecteurs. Soudain sur moi elle se jette, mais pas une dans mon cœur. Dans la nuit je file tout seul de ville en ville. Je ne suis qu'une pierre qui roule toujours. Il me faut rire et danser. Oui, le spectacle terminé. S'en aller ailleurs au lever du jour. Les gens m'appellent l'idole des jeunes. Il en est même qui m'envie. Mais s'ils pouvaient savoir dans la vie combien tout seul je suis, combien tout seul je del món i torna al Born, fes el que vulguis però sempre torna cap a casa. Nosaltres fem el que vulguem al llarg de tot el programa, habitualment portant-vos música més moderna acompanyada de grans clàssics de la música francesa, però sempre hi ha un punt en el qual tornem a nosaltres mateixos i tornem a pivotar sobre el centre del programa. I el centre, perquè està al mig, és en Ciril Torres. En Ciril ens acompanya just a la meitat del nostre programa, si fa no fa, no en vingueu ara en un minut més o un minut menys, i ens porta la seva selecció musical de la setmana, que veurem quina és la del dia d'avui. Ciril, molt benvingut. Hola Rafael, hola a tothom, gràcies, i gràcies doncs, per permetre'm estar al mig, al vell mig d'aquest programa. Ens anem a les Antilles i us porto un tema fantàstic. Un tema, a més, amb molt de contingut, amb una lletra molt poderosa, d'un tema com és tan d'actualitat com el que seria doncs, la violència de gènere i el que seria doncs, l'assetjament sexual. Des de les Antilles, amb una formació fantàstica que es diuen Dealer de Zouk, que són els grans... seria com un all-star, com un Buena Vista Social Club de tota la gent... del Zouk i de la música antillesa, amb sobretot la veu fantàstica de Jean-Jacques de Varieux, que és el mític cantant de Kassav, aquesta formació dels anys 70-80 que va doncs, expandir la música, el Zouk i la música antillesa arreu al món. El tema, com us deia, parla de l'assetjament sexual i de les relacions home-dona doncs, a vegades no massa sanes i una reivindicació femenina força poderosa. El tema es diu Les Mecs, o sigui, els tios. festa? J'achète une voiture. Ils vont te dire chérie, je t'achète une villa. Ils vont te mentir. Ils vont t'embrouiller. Ils vont te mélanger. Ils vont t'exploiter. Ils vont te promettre. T'auras des bijoux. De très beaux habits. Ils vont te détruire. Doncs bona música, la que ens atria sempre en Ciril Torres. Gràcies, Ciril, per la teva companyia una vegada més amb aquesta cançó de la Mex. Fins al final del nostre programa, que ens queden uns 10 minutets, 8-10 minutets, amb Julian Clerc. Quelquefois, si doux, quand la vie me touche, comme nous tous, alors si douce. Quelquefois si dure que chaque blessure longtemps me dure. Sur un coin d'épaule, oh oui, si drôle, regard qui frôle. Quelquefois si seul, parfois elles le veulent. Oui, mais si seul. Oui, mais si seul. Seguint amb els minuts, en Julien Clerc és el nostre protagonista d'aquests darrers instants, cantant, cantautor francès, nascut com a Paul Alain el 4 d'octubre del 1947 a París, mira per on, i un personatge que va conèixer molt amb una enyorada artista nostra com Franz Gall. Varen viure junts fins al 1974, va ser durant l'espectacle teatral de Hair, aquell musical. Va escriure diverses cançons també per ell i va inspirar-ne d'altres. Julien Clerc va ser també company de l'actriu Miu Miu, amb qui va viure fins a 1981. Personatge destacadíssim al món de la música, que avui volem que sigui qui finalitzi el nostre espai. Salutacions ben cordials a càrrec de Rafael Corbí, un plaer, com sempre, compartir aquests minuts de música en francès amb tots vostès, amb tots vosaltres, que ens acompanyen a Olala Music. Amb la darrera de les cançons d'aquest personatge m'acomiado. Serà fins la propera. Adéu-siau. Si j'étais elle, je saurais dire tant de ces choses, tant de ces mots qu'elle ne dit pas, de sa voix douce à en frémir. Si j'étais elle, je ne voudrais pas de tous ces songes, de tous ces drôles de mensonges qu'elle s'invente pour s'enfuir. Mais il n'y a qu'elle qui sait se taire ainsi, et elle se cache dans ses silences comme une toute petite fille. Mais il n'y a qu'elle qui sait se fuir comme ça, et elle s'allonge dans son absence tout contre moi. Montre-moi. Si j'étais elle, je ne chercherais pas tellement d'excuses, paroles vaines, des vains refuges, tristes armes de combat. Si j'étais elle, je n'aimerais pas me voir souffrir, à en crever, à la maudire, pour tout ce mal qu'elle pose là. Mais il n'y a qu'elle qui sait se taire ainsi, et elle se cache dans ses comme une toute petite fille. Mais il n'y a qu'elle qui sait se fuir comme ça, et elle s'allonge dans son absence tout contre moi. Je laisserai que tout se glisse, que tout se passe, et très en douce, c'est qu'elle est douce, croyez-moi. Si j'étais elle, je voudrais bien, juste pour voir, juste pour rien, juste comme ça. Comment ça serait cet amour-là?